J'ai ici faire des rencontres radiophoniques, donc je suis ici quelques jours. Une petite formule pour le petit déjeuner, si vous voulez. Je vais juste prendre un café. Ouais, moi, s'il te plaît. Moi, juste un café, s'il te plaît, un allongé. Un allongé ? Ouais. Moi, je vais prendre le café croissant. Café croissant, ok. Moi, je vais prendre le citron pressé, s'il te plaît. Un citron pressé, un allongé et un café croissant. Bon, ben, on va se dire bonjour en direct. Mais pas en direct, mais en tout cas, solennellement. Je suis avec Stag, qui salut. Est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et Lise, qui est aussi auteur, compositrice, interprète. C'est bien ça? C'est bien ça. Et vous faites ça depuis combien là? Je sais pas comment on va fonctionner, mais vous faites ça depuis combien de temps? Depuis une quinzaine d'années. OK. Oh ouais, moi, depuis, j'ai toujours fait. J'ai toujours chanté, ouais. Enfin, j'étais au départ, j'étais régisseur de théâtre il y a 30 ans. Ah, okay. Mais je faisais déjà de la musique, ouais. Okay. Après, j'ai pas vécu de ça tout le temps, quoi. J'ai eu fait d'autres choses à des moments. Mais sinon, oui. Depuis tout petit. Tout petit? Ah oui? Non, j'aimais bien chanter quand j'étais gosse, ouais. OK, oh oui, OK. Et puis c'est comme ça que t'es venu la flamme et... Moi, je sais pas comment c'est venu, mais... Mais oui, peut-être, je sais pas. Je me rappelle pas, j'étais trop petit. Ben c'est bien, c'est une idée. C'était toi, Lise. C'était quoi la question? Ben, comment tu es venu à la chanson? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as voulu faire carrière dans la chanson? C'est venu tout seul en commençant à prendre ma guitare et en chantant dans les bars, okay. Les bars parisiens, parce que je suis du quartier où tu tiens ton interview. Ouais, je suis du 18e, ah oui, okay. De Montmartre. Ah, ouais. Et Cabaret, c'est mon vrai nom. C'est pas vrai. Si, c'est prédestiné. Voilà, donc j'étais prédestinée en fait. J'ai pas eu à chercher ce que je voulais faire. Ok, mais qu'est-ce qui te. Parce que c'est pas vraiment un travail si facile que ça, de percer, d'essayer de faire carrière dans la chanson. Il y en a tellement, il y en a beaucoup, c'est comme les actrices, donc c'est pas si évident. Est-ce que tes parents t'ont encouragé ou. Oui, heureusement que mes parents m'ont encouragé, sinon je pense que j'aurais arrêté. Après, percer, quand on commence à faire ce métier, on ne pense pas forcément à percer, c'est parce qu'on aime faire ça et qu'on aime partager avec les autres ce qu'on crée. OK. Et puis toi, Stag, est-ce que c'est en voyant les autres chanter que tu t'es dit à un moment donné, ça risque d'être à mon tour de... Non, vraiment, moi je faisais de la musique à l'école de musique, tu vois, donc je faisais du chant, j'adorais, je faisais de la guitare. Mais je te dis, moi je jouais avec des potes comme ça dans les bars quand j'avais 17 ans, tu vois, il y a 35 ans, quoi. Et après, moi j'ai commencé, j'étais régisseur de théâtre. Et du coup, c'est un peu le même univers, tu vois, c'est le texte qui m'intéresse, tu vois. Et mon grand-père était comédien aussi, anarchiste, responsable de la CNT. Il s'appelait Luis Hernandez. Luis Fernandez. Hernandez. C'était un espagnol, ouais. Ok, ah ouais. Et voilà, c'est venu comme ça, tout naturellement, en fait. Alors, t'es un enfant de la balle. Pas vraiment, hein. Mon père était un enfant d'immigré surtout, tu vois, okay. Donc mon père travaillait, ma mère ouvrier tous les deux, avec ma mère, femme de ménage, et voilà quoi. Ah ouais. Donc on n'avait pas d'enjeu, parce que comme disait mon grand-père, on s'en fout, nous on était déjà pauvres avant, donc on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Allons dans cette lignée-là, on sait jamais, peut-être que ça peut rouler un peu mieux que pour toi. En plus, on est dans une situation un peu plus intéressante qu'avant, un peu moins dure, entre guillemets. Je sais pas. En tout cas, il y a toujours des choses à dire, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, il y a du matériel, il y a de quoi faire. La rue est une putain, la rue est une catin, la rue est infidèle. Je me méfie d'elle, elle a drogué ses foules contre des flics en gargouille. Elle a mis en prison ce vendeur de chansons. La rue est infidèle, et je me méfie d'elle. La rue est une putain, la rue est une catin. La rue est infidèle et je me méfie d'elle. Elle a vendu son âme au bon républicain. Elle a fermé ses poubelles des fois quand on aurait faim. La rue est infidèle et je me méfie d'elle. Solo. La rue est une putain, la rue est une catin, la rue est infidèle et fidèle. Le bourgeois peut dormir, servir le capital. Mais nous, mes vieux potes, ben, il nous reste que dalle. La rue est infidèle, et je me mets fidèle. Mais ce soir, je sors plein d'espoir, oui. Et ce soir, je me rue sur elle. Car ce soir, je suis étincelle. Et ce soir, c'est la nouba des annales. La rue est une putain, la rue est une cata. La rue est infidèle et je me mets fidèle. La rue nous a trompés, une heure s'est tout fermée. Elle s'habille en chalelle, finit les costards de flanelle. La rue est infidèle et je me mets fidèle. Toi, Lise, t'es plutôt chanteuse, guitare-voix, ou si t'as un petit groupe derrière toi qui... Non, pour l'instant, je me produis en solo. Pendant 5 ans, j'étais avec un guitariste. Okay. Et là, je suis en solo. Okay. Je vais faire un peu de piano aussi, avec des pédales, des trucs. Mais le piano, c'est plus difficile à transporter quand tu fais des concerts. Exactement, hein, tout à fait. C'est pour ça que je fais plutôt de la guitare. Ok. Mais c'est toi qui écris tes textes? Oui. Tu as commencé à écrire à quel moment, quand tu étais étudiante, tu écrivais de la poésie ou si c'est directement... Quand j'étais étudiante, bah, mes textes pouvaient paraître un peu poétiques, mais après quand on est étudiant, on parle aussi, on commence un peu avec ses histoires d'amour, ses histoires. Et puis après on essaie de développer un peu son écriture et sortir de son moi intérieur. Et puis, mais toi, t'es un peu plus rock, Stag, hein, t'es... Ça dépend. Moi, pour moi, c'est pareil. Tu vois, l'énergie, qu'elle soit rock ou chanson, toi, mec comme Brel, il est hyper rock. Ah oui, dans l'interprétation. Et alors après, effectivement, tu peux mettre du son qui vient du rock, mais je pense... Avec mon guitariste, il vient du rock, par exemple, Hervé Leger, avec qui je joue. Et on fait des fois des trucs de guitare sèche en acoustique, mais l'énergie c'est la même pour moi. Mais toi tu joues de la guitare? Ouais, je joue de la guitare aussi. Ouais. Donc vous êtes guitariste. Je fais deux guitaristes, enfin il y a plusieurs formules, on a tourné à 4, j'ai tourné à... Seul. Bah, je fais beaucoup de choses tout seul, j'aime bien aussi. Ah oui. Et j'ai tourné à 4, à 2, là on a monté un trio avec un accordéoniste. Ah oui. Et, guitare électrique, accordéon, ou guitare acoustique et accordéon. D'ailleurs, je te filerai, on a fait un album là, qui vient juste de sortir, je viens juste de le recevoir. Au mois de juillet? Là, je l'ai reçu au début de semaine. Ah oui? Toi, j'en ai pas encore vendu, hein, t'as de la chance. Ah, mais je suis le premier. Un des premiers. Mais est-ce que vous avez galéré avant de faire le premier disque? Toi, t'en as fait un, deux? Deux. Deux? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas si évident que ça? Surtout, on s'auto-produit, on n'est pas, on n'a pas de maison de disque. Le truc, c'est oui, il faut trouver les sous, ça c'est sûr. Mais après, quand tu fais beaucoup de concerts, tu vois, même autoproduit, tu vas au concert en fait maintenant. Ah, moi, ouais. Celui d'avant, il est distribué, tu vois, il est à la Fnac, machin, mais ils te vendent rien, les mecs. Ok, ouais. Là où tu vends, c'est des concerts, quoi, tu vois. Puis t'en vends pas des centaines de mille, mais ça va, quoi. Ça roule. Oui, bah, je sais pas, pour te donner un exemple, celui d'avant, j'en ai vendu 2000 en 3 ans. Voilà, ça te finance celui d'après, ouais, c'est pas quoi. Mal, hein. Tu vois. En fait, c'est étonnant. Puis toi aussi, quand on voit ton spectacle, on peut se procurer tes disques. Donc, l'intérêt, c'est d'aller vous voir puis de, oui, c'est ça, de c'est ramener ça. La pastille à la maison puis voilà, ouais. Pouvoir l'écouter. Mais est-ce que vous essayez, de, lorsque vous enregistrez, d'avoir un son beaucoup plus live, histoire de mettre ça plus facilement sur scène? Ou si vous voulez faire deux choses différentes, c'est-à-dire travailler en studio, lécher les chansons, puis éventuellement le... Moi, de mon côté, c'est assez léché les albums, okay. Et plus, plus acoustique quand c'est en live. J'aime bien faire des albums un petit peu produits. Et... Okay, okay, okay. Où le son est beaucoup plus travaillé. Oui, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est comme une œuvre à part entière, et après, c'est pas forcément... Après, les gens vont s'accrocher aux paroles, donc ça va pas forcément les déranger en acoustique. Ceux qui connaissent les textes, ils vont être contents de les retrouver même en acoustique. Ah, ouais, ouais. Toi, c'est à peu près la même chose ou Moi, j'ai fait les deux, en fait. Okay. Celui qui sort, là, c'est de l'impro en live. C'est-à-dire qu'on est dans le studio, on joue, on fait quatre versions. Il n'y a pas de clic, il n'y a rien. Ah, okay, okay. Et on garde les meilleurs. Tous les musiciens, aucune track Ben, sur le dernier, l'accordoniste, il ne connaissait pas les chansons. Donc, comme ça, il n'avait pas le choix. Mais ça, j'ai fait ça pour garder l'énergie, oui. Du texte. Et celui d'avant, par exemple, c'est un album de studio qui a été fait avec Laurent Thibault, qui était l'ingénieur du son d'Hérouville, du château d'Hérouville, avec Francis Mauss à la basse, tout ça, tu vois. Et, on est resté, je sais pas, 3 semaines en studio, 4 semaines. Donc là, c'est les durs heureux. Il n'y a jamais tous les musiciens en même temps. Et là, tu travailles le son, ouais, c'est autre chose. Quoi. Ça, tu le fais pas, c'est pas un album pour être fait sur scène, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est moins ressenti, hein, parce que c'est trop... C'est trop technique. C'est trop technique et puis ça coûte beaucoup plus cher aussi maintenant. Oui. Ouais. Ouais. Et puis la manière dont les gens écoutent, toi tu te fais chier, on est en analogique et les mecs ils vont écouter ça en MP3, ça te fout les boules, ben tu vois. Mais c'est vrai, l'avenue de ces genres de bidules-là qui éliminent le son quand tu travailles aussi fort pour avoir un son super intéressant, oui. c'est un peu déplaisant, c'est un peu... Ah ben oui, c'est comme si tu avais un moteur de chevaux, tu mets un moteur de chevaux sur une Ferrari, quoi, c'est pareil. Mais bon, là c'est comme ça maintenant. Mais est-ce que c'est plus difficile pour une fille de percer ou pour un gars, ou les deux, ça n'a pas d'importance? Je pense qu'il n'y a pas d'importance. Oui. Mais souvent, là, quand vous faites des spectacles, vous vous croisez, vous? Oui, oui. Nous, oui, de temps en temps. On se connaît, ouais. On sur Paris, quelques coplateaux. Ouais. Est-ce que vous appelez l'un ou l'autre pour en sachant qu'il y a une place de libre pour un spectacle? Est-ce que vous avez... Ah ben, on se refile des plans quand on voit que ça peut coller, parce qu'on fait pas la même chose non plus. Mais, après, c'est ça, c'est dur de trouver, c'est pas le même univers, c'est ça. Des gens qui cherchent deux artistes, donc si c'était le cas, ouais, ça peut. Est-ce que ça arrive souvent? Ah non, justement. Okay, ouais. Déjà qu'ils ont pas beaucoup de sous pour prendre un artiste solo. Alors... Mais en même temps. On est sorti de la COVID, les gens sont moins présents au spectacle. Hein. Ah oui, ça sent moins. En plus, ils ont pris c'est bizarre. Ouais, ben je sais pas, il y a la peur et puis ils ont pris l'habitude de rester chez eux, tu vois. Ben, ils sont plus dans les cafés parce qu'ici c'est plein samedi dimanche. Ouais, puis, mais même ils font. Moi j'ai eu l'impression que comme il y a eu le pass, même quand ça a rouvert, ouais. Moi j'ai eu des potes qui sont pas venus à des concerts parce qu'ils étaient 7-8 et il y en avait deux qui n'avaient pas le pass. Ouais, qui pas donc ils vont pas les abandonner, donc ils ont dit on fait l'apéro à la maison et voilà. Ça revient doucement, mais ouais. Moi, tu vois, même les festivals, il n'y a plus de pré-vente déjà. Donc, c'est fou, hein. Les mecs, la veille des festoches, ils ont pas de pré-vente. Mais même les organisateurs, les gens, c'est pas facile pour eux. Hein, sais pas. Parce que si tu peux pas pré-vendre tes billets, comment tu peux savoir si ça va fonctionner ou pas? Oui, c'est ça, surtout pour les gros trucs, quoi. Ben oui. Mais bon. Lise, toi, quand tu veux écrire, est-ce que t'as des grands thèmes qui reviennent souvent? L'amour, l'amitié? L'amitié, oui, les amis, beaucoup. La liberté. Qu'est-ce que l'urbain, beaucoup. Les rues, Paris. Hein, on écrit sur ce qu'on connaît. Donc voilà. Est-ce que tu sens depuis ton deuxième album une transition, un changement, ou au contraire, tu vois une ligne médiane, une continuité? Merci. Ouais, après, comme je disais, il y a une évolution dans l'écriture où j'écris plus sur ce que je vois à l'extérieur. « Pierrot a le visage et le regard marqué d'un tourbillon de fêtes, de nuits enflammées. Il a des ailes qui lui servent à planer au-dessus des idéaux et des mentalités. C'est un homme si fier de lire l'heure à l'envers. Il aime les femmes qui grognent et qui emmerdent le monde. Faire fermer sa gueule aux condescendants et se prendre un peu comme un enfant. Pierrot, oh, oh, oh, cherche sa colombine du haut, oh, oh, oh, d'un paname proche des abîmes. À poil sous la lune, tu observes le monde, tu penses à celle que tu as aimée. Tu ne sais pas trop où se creusera ta tombe. En attendant, tu bois, tu n'es pas pressé. Tu te plonges si souvent dans une belle ivresse pour toucher doucement les mains de ta déesse. Colombine réapparaît au bas de ta fenêtre. On va pouvoir danser et gravir la tempête. Pierrot, oh, oh, oh, cherche sa colombine du haut, oh, oh, oh, d'un paname proche des abîmes. L'ivresse redescend tout doucement, plus d'espoir pour tomber au hasard sur Colombine en face de ton comptoir. Il est tard, c'est plus le moment. Tu voudrais au moins voir l'autre petite Colombine, ta petite Manon, ta fille à ta carabine. Ce soir la lune est belle, tu observes le monde, mais plus rien t'émerveille. Tu crames ta dernière blonde, Pierrot. Cherche sa colombine du haut, oh, oh, oh, d'un paname proche des abîmes. Pierrot, oh, oh, oh, cherche sa colombine du haut. Dans l'introspection, parce que des fois on a tendance à, la chanson française, les gens ont tendance à être vachement dans l'introspection. Ouais. Donc là j'aime bien, comme on dit, comme un peintre, un bon peintre, il peut être capable de faire un tableau sur la cuillère qu'il voit sur cette table, ah oui, par exemple. Ah oui. Donc je pense qu'un le travail d'un chanteur, ça peut être sympa aussi, qu'il se dise, ah bah tiens, aujourd'hui je vais écrire sur telle chose. Par exemple, récemment j'ai écrit une chanson sur les bus de nuit, en imaginant plein de faunes qu'on peut trouver dans les bus de nuit, un truc assez rigolo. Mm-hmm. Mais es-tu plus porté à écrire des chansons triste ou des chansons rigolotes, des chansons... Avant, j'étais vachement dans le triste. Désolée, je mange un croissant. Ah non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Avant, j'étais vachement dans le triste. Et maintenant, j'essaie d'aller dans le plus gai. Pourquoi? Est-ce que ta vie vaut mieux ou ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que justement, j'ai envie de changer un peu. Normalement, on va se lasser soi-même de ce qu'on écrit. Donc, ouais. J'ai envie d'amuser les autres et de m'amuser aussi moi. Ben, donc, surtout, c'est ton spectacle, donc il ne faut pas t'emmerder. Voilà, et puis de faire communiquer un peu les autres. Même si les chansons, des fois, elles abordent des thèmes encore un peu tristes, j'essaie de le faire sur le ton de l'humour. Et on s'amuse comme ça. Ben oui, ben oui. Ben oui. Mais toi, Stag, est-ce que tu as une évolution musicale ou si tu as le même chemin que tu traces depuis le début? Bon, au niveau des textes, moi, c'est l'énergie que je cherche, moi, tu vois, dans le live et dans l'écriture. Donc, les thèmes, ça évolue, mais après, c'est à peu près la même... Enfin, c'est pas la même chose, mais ça reste dans la même direction d'aller chercher une énergie dans que ce soit une chanson douce ou rock'n'roll. Voilà. Puis, oui, c'est pas... C'est plutôt toujours dans la même direction, quoi. Et puis, avec les années, vous avez quand même beaucoup de chansons à votre actif. Est-ce qu'il y en a qui ont... qui ont quitté un peu votre liste musicale pour être abandonné parce que ça a plus vraiment d'importance, ça a plus de lien, c'est moins d'actualité, ou si ça vous intéresse moins de déchanter, est-ce que t'en as, moi, j'en ai, ouais, parce que déjà moi je mets des noms dans les chansons, toi, okay. Dans les chansons politiques, quand je m'énerve, je mets les noms des mecs. Ah oui, oui, oh, ok. Fait donc, que les mecs, quand forcément... c'est terminé, on les enlève. Quand ils sont plus là. Voilà. Okay. Ils s'éliminent eux-mêmes. Mais voilà. Je pourrais pas le faire, mais j'aime bien que ça soit clair quand je parle de quelqu'un, tu vois, qu'on sache qui c'est. Fait que tes chansons s'auto-éliminent. Ouais, elles s'auto-éliminent. Et si tu veux, moi en plus, je fonctionne pas dans. Comme je fais beaucoup de concerts, si tu veux, j'écris. Je m'arrête pas pour dire je vais écrire un nouvel album de 10 chansons et je sors l'album. Donc j'écris tout le temps, donc je okay. rajoute une chanson, donc t'as toujours des chansons toutes neuves et des chansons qui ont 5, 6, 7, 8 ans, qui marchent bien, puis que j'aime bien faire, puis voilà, tu vois. Alors tu piges dans ton répertoire, non dans le disque. Dans le live, oui, je fais pas, tu sais, un nouvel album, je veux faire que ça, j'en rajoute au fur et à mesure, tu vois, donc ça grandit, ça, les 7, ils bougent comme ça, que, tiens, quand j'ai envie de faire 2 nouvelles chansons, j'en fais 2, puis petit à petit ça se renouvelle, tout le 7, quoi, mais ça prend du temps, ouais. S'en fout. Suzy, elle croit pas au bon Dieu. Elle danse nue sur les tables. Elle boit comme les garçons. Et elle dit que la vie c'est pure folie. On est tous amoureux, mais pour elle. Elle s'enfuit. Suzy, au bout de nuit, elle dit que les garçons, c'est comme les vieux Kleenex, ça se prend, ça se jette, et ça se rachète. On est tous amoureux, mais pour elle. Faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Qu'elle dit, Suzy, oh. Suzy, elle blasphème. Je t'aime, je t'aime. Elle aime pas les églises, les temples, les mosquées. Elle dit pas besoin d'être guidé pour pouvoir s'aimer, non. Mais quand même, on est tous amoureux, mais pas elle. Faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Je le dis, Suzy, Suzy, elle aime pas. Suzy, devenir vieille. Mourir vivante en buvant du saké loin de son canapé. On est tous amoureux, mais pour elle. Faudrait pas confondre l'amour et la pitié. Faudrait pas confondre l'amour et la vertu. Faudrait pas confondre l'amour et la piété. L'amour et la vertu, l'amour et la vertu. Qu'elle dit, Suzy, ananana, Suzy. Suzy. intéressant, mais ce qui est bien quand on est guitare-voix seul, pas de musicien, on peut changer du jour au lendemain, même en direct, tu peux dire, ah, ben, on dirait que le public serait prêt pour une chanson, cette chanson-là, vous la placez. Oui, c'est ce que je fais, ouais. Tu fais pas le même concert suivant les gens que tu as en face. Non, ouais, c'est ça, ça dépend de l'ambiance. On fait jamais le même concert d'ailleurs. Moi, je sais jamais le même concert. Ben, Dieu merci, parce qu'on se lance, puis c'est du quotidien, un peu comme aller travailler dans une ville. On sait comment ça va se dérouler, comment ça va se terminer. Puis déjà, on va les lieux sont souvent très très différents, nous, surtout pour les petites scènes qu'on fait. Oui. Les lieux sont assez. Et du coup, ça encourage aussi à avoir un jeu différent. Enfin, ça pousse à ça, quoi, naturellement. Est-ce qu'il y a un public qui vous suit avec les années? À un moment donné, vous faites des spectacles. Oui, t'as des fidèles, ouais. Oui, des fidèles, c'est le bon mot, ça. Ouais, il y a quelques fidèles. Oui, quelques fidèles, ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou Il y en a pas mal, des gens que. Oui, les gens qui aiment bien, ils restent, ouais. Puis, est-ce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre. Actualité musicale? Bah oui, bien sûr. Ouais, ils suivent. Et il y a même des gens qui sont devenus des amis, hein. Ok. Ça, au fil des tournées, tu vois, quand. Des endroits où on va souvent, une fois hébergé, puis au bout d'un moment ça devient des amis, quoi. Ok. Vous faites la fête avec, puis à un moment donné, il y a des... Et puis on se voit en dehors de la musique. Ah, mais c'est bien parce que la musique peut aller plus loin. Bah oui, puis c'est fait pour ça, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est fait le côté humaniste. C'est fait que pour la rencontre, en fait, hein, tu vois. Ce que tu dis après, c'est bien ou pas, mais finalement on s'en fout, quoi. Mais du coup, ça permet de rencontrer. Il n'y a pas beaucoup de métiers, je pense, où, à part des profs peut-être. Oui, mais encore, ouais. Où on rencontre autant de gens sur une vie, quoi, tu vois. Ouais. Parce que ça chiffre vraiment en centaines, en milliers de personnes. Même quand tu fais que des petits lieux, quand tu fais 150 concerts, s'il y a 10, 20, 30 personnes, tu fais vite le calcul, hein, ça fait du monde au fil des années. Moi, j'ai plein de gens qui sont devenus des amis comme ça, par la musique. C'est ce qui est chouette, quoi. Est-ce qu'il y a des soirs où ça vous tente pas de monter sur scène, puis c'est pas votre journée, l'après-midi s'est mal passé, ou je sais pas, puis... Bah oui, comme tous les trucs, il y a des concerts qui sont pas terribles, quoi. Ça peut arriver, hein. Mais faut éviter, quoi. Ouais, mais est-ce que tu peux dire, ben, je vais me baser sur ce que je sais faire, je vais jouer le coup, puis je vais me lancer, les gens le verront pas, puis... En fait, c'est l'habitude de chanter qui prend le dessus, puis la mécanique, l'automatisme. Bah oui, après, tu as des trucs que tu sais faire parce que voilà, t'es professionnel. Et personne, quoi. Ne voit. Mais, personne ne voit. Là. Après, il y a dans le choix des dates aussi. Ok. Moi, je connais assez de monde, tu vois, du milieu de l'underground, etc., pour choisir les endroits et refuser des choses. Qui vont pas m'intéresser parce que c'est des gens qui sont en train de manger, qui n'ont rien à foutre. Ah oui, ça c'est mon spectacle. C'est le restaurant. Toi, mon spectacle, il est pas fait pour ça, quoi. Non. Toi, donc ça, je dis non, quoi. Permettez-moi de vous chanter une petite chanson pas trop subtile qui fait un peu l'état des lieux d'un monde qui part à la dérive. On y retrouve tous nos héros, tous nos poteaux, mais aussi tous les pourris, tous les connards, tous les cafards, tous les crevards, tous les bâtards, tous les émours, les conseillers, les consultants, les journalistes. Des télés pourris, mais Manu, y sourit, car Manu, il sait bien quelque part que tout ça c'est à lui. Ils étaient quelques argentiers, des financiers, des vieux banquiers, des héritiers, des petits rentiers, des sénateurs, des profiteurs, des marchands d'armes et de sommeil, tous appliqués à nous niquer, nous exploiter sans rien branler, juste encaisser et se casser en jet privé, en évader défiscalisé. Mais Manu, y voit pas, y jure au grand Dieu, qui savait pas, bah, banquier un jour, banquier toujours. Ils étaient quelques abrutis, des petits fachos néo-nazis, des sans-amis, des perturbés, des très frustrés, des sans-idées, qui se disent c'est le moment peut-être de repointer nos nez. Dans la police, dans les ministères, on peut taper génération identitaire, croix gammée en bandoulière. Mais Manu, il s'en fout, car Manu de tout ça, il en joue. Et puis en plus, il s'en concernait, qu'est-ce que... Ah, nazi, si t'enlèves le « il reste naze », tu vois. Nous étions quelques musiciens, des techniciens, des magiciens, des comédiens, des circassiens, des saisonniers, des bistrotiers, des étudiants, des artisans, des commerçants, des paysans, des sous-payés, des hérités, toujours les mêmes sacrifiés tout au fond de la tranchée. Et là franchement putain ça commence à faire grave chier quoi. Mais Manu, il s'en fout, il envoie Gérald, Jeannot et Didier, les pieds nickelés, enfin les pieds niqués je devrais dire, ouais. Et c'est ainsi qu'un beau matin tout est parti en cacahuète. Quand tous les gens se sont levés et se sont dit là ça suffit, alors on les a retrouvés tous dans la rue déambulant, avec l'idée saugrenue de mettre à bas nos dirigeants. À la mode de chez nous, tous en guidolant dégueulasse. Mais Manu, il s'en fout, il prépare la retraite de Bibi avec nos sous, ouais, ouais, ouais. Pourtant vraiment c'était quand même pas bien compliqué de penser qu'il suffisait de partager pour qu'il n'y ait plus de soucis. Mais penser c'est compliqué pour ces gens-là dans les soucis. Se limite au choix cornélien de la couleur de la tapisserie dans la chambre du petit, juste à côté de la nouvelle buanderie. Mais Manu, il s'en fout, il s'ébat dans le lit avec Bibi et Alexandre et puis Marion et Valérie et Rachida et Olivier et Benjamin et puis Jeannot qui lui ne comprend rien et puis Jeannot qui lui ne comprend toujours rien et puis Jeannot qui lui ne comprend rien. Ouais, c'est sûr que dans un restaurant, quand t'entends les... Moi, je refuse les... Bah, en fait, le truc, c'est que même si c'est des gens très bien qui mangent, quand les gens ils sont plongés dans leur assiette et qu'ils bouffent, c'est quand même un truc assez animal, tu bouffes, t'es dans ta bouffe, donc t'es plus du tout là pour écouter de la poésie ou des textes engagés ou de la chanson. Donc moi, j'ai arrêté les restos. Je me renseigne bien, ah, mais je joue pas pendant que les gens mangent, hein, parce que ça, c'est vraiment un enfer. Donc je pense qu'on soit fatigué, mal ou quoi que ce soit, c'est jamais un problème de monter sur scène. Par contre, si on se retrouve dans un endroit où les gens sont pas du tout là pour écouter et font que parler entre eux et tourner le dos, là tu peux avoir envie de sortir de scène. Est-ce que ça arrive? De quoi? Que vous sortez de scène? Ah non, bah, quand même, en principe quand on est quand même payé, embauché pour jouer quelque part, on peut pas trop se permettre. Mais la prochaine fois, vous y retournez. Oui, voilà, ça peut être ça. Ou alors on écourte le spectacle. Une liste, ouais, c'est ça, exact. Ouais, ouais. Ou vous avez une liste noire. De... Heureusement, ça arrive pas trop souvent. Ouais. Sinon, ça serait triste. Est-ce que ça s'est amélioré de chanter comme ça devant un public? Est-ce que le public est plus attentif ou il est de moins en moins Je pense qu'il y a un truc générationnel maintenant. Tu as un public consommateur qui est assez. Qui est plein de préjugés. Tu vois, quand tu as un public chanson, t'arrives très vite à obtenir, même dans un bar, à obtenir et puis le silence, etc. Puis t'as un public et un public de consommateurs qui parlent aussi fort que toi, tout ça, donc t'es obligé de dire tu peux te taire, ouais, s'il te plaît. Moi ça m'est arrivé à te faire d'arrêter de brancher des gens, puis c'est. Souvent ils perdent parce que c'est moi qui ai le micro donc. Mais ils le font pas méchamment, mais souvent t'as des gens qui sont dans le business et qui disent, nous ça nous arrivait une fois, c'était assez drôle d'ailleurs. Qui sont dans le business, c'est gratuit, donc c'est pas des bons. Toi, quand tu vas jouer dans un bar au chapeau, alors que ça, c'est le béaba de la culture populaire, d'aller, tu vas jouer dans des festivals, des scènes, et bien, tu vas jouer aussi pour ceux qui peuvent pas aller au concert, qui n'ont pas les moyens, toi, nous, là. Il y a des bars comme ça où on va jouer, tu sais très bien que les mecs, ils iront jamais voir un concert au Zénith, machin, parce que de toute façon, ils ont pas l'argent, quoi. Alors, c'est des préjugés. Et t'as des gens comme ça qui ont ce préjugé-là en disant, alors que les mecs qui sont en train de voir, des fois, ils se rendent pas compte, mais. Ils ont payé 50 euros pour les voir avec un autre groupe la veille ou le lendemain. Ouais, c'est vrai. C'est, voilà, ça, ça arrive aussi, mais globalement, t'as un truc, mais je pense que c'est assez générationnel, ouais. T'as un déficit d'écoute. Parce que les gens, ils viennent pas exprès, tu vois, pour ça, quoi. Et c'est vrai que nous, quand on était gamins, s'il y avait un mec qui jouait de l'accordéon dans un bar, que ça nous faisait chier, là, on se mettait pas à parler plus fort que lui, on allait ailleurs, tu vois, ouais, ce que je veux dire. Partait, ouais. Voilà. Mais là, c'est la bière qui est bon. Le plus fort, ils restent devant leur bière, puis c'est le chanteur qui doit partir. C'est ça. Ça a vraiment changé. Ne te mets pas en travers de ma route, je ne suis pas là pour suivre tes pas. Ne te mets pas en travers de ma route, sinon t'auras affaire à moi. Sur mon chemin je me balance, dans mon cœur je sens ta présence. Mes bras se déplient et décollent. Dans une soirée, dans un bar par exemple, le dernier set, les gens sont un peu plus éméchés, c'est plus compliqué, c'est moins évident. Non, je dis, moi j'adore, c'est okay. Là où ils sont le plus attentifs, enfin pour moi, pour ma part, okay. Quand ils ont bu quelques verres, les mecs ils se mettent à écouter les paroles et en plus ils hurlent et ils applaudissent. Okay. Je l'ai vu récemment, là dans un de mes derniers concerts, c'est dans une brasserie de bière, la brasserie des gros à Maxéville à Nancy dans le Grand Est de la France. Et au deuxième set, quand les mecs ils avaient bu de la bonne bière, et ben, ils étaient à fond. Ils étaient un excellent public. Un excellent public. Alors je leur ai même demandé, je leur ai dit mais c'est quoi, c'est la bière? Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils rigolaient, ils étaient contents. Est-ce que mais normalement vous avez des bons publics, vous avez des gens qui. Oui, oui. Et puis aussi, si tu veux, il y a aussi le fait des lieux, même des bars concerts, même si c'est un bar, qui ont un vrai public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand je trifouille dans ma caboche, j'entends cette voix qui m'a bercé depuis mes tantes années de mioche. Il est toujours dans mes histoires, le protagoniste des comptoirs qui chante des berceuses aux ivrognes, mais qui ne tue pas la charogne. « se parle de déboires plus rocailleuses que les rochers auxquels on se cogne sur la mer noire. Ritier, il rit, il est entier, même si des fois bien trop bourré. Au moins on ne fera jamais semblant devant sa putain de gueule d'enfant. N'a jamais oublié de nous faire chier, de nous aimer. Oh ça vraiment, Ritier c'est un pilier des beaux quartiers, pas du 15e ni du 16e, mais de belles villes d'Aubervilliers, de Montreuil jusqu'au 20e. Car il a forcément gravé tous les comptoirs de l'amitié, tous les zincs, tous les troquets. Ritier, il rit, il est entier. Quand je trifouille dans ma caboche, j'entends cette voix qui m'a bercé. Depuis mes tendres, depuis mes tendres, depuis mes tendres allées de miache. Leurs clients, ils sont là, ils savent qu'il y a un concert, ils ont... Ah oui, ça dépend toi, énormément du... Après, t'as des lieux où ils n'ont pas de public, en fait, ils te font venir parce qu'ils veulent que tu viennes avec ton public, toi, business, voilà. Que c'est toi qui vas amener la, les mais sous. T'as aussi des vrais patrons de bar qui ont un vrai public dans leur établissement. Donc, c'est, je vais dire, c'est pas que c'est facile à faire, mais... Ça, ils peuvent ne pas aimer, bien sûr, mais par contre, c'est des gens qui sont là pour écouter le concert. Donc, c'est pas. C'est bien, c'est intéressant, quoi. Parce que des fois, dans un festival, tu vas faire des premières. Nous, on fait des grosses premières parties, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, les mecs, ils sont là pour la tête d'affiche. Oui, ça, vois. C'est dommage. Oui. C'est pas, c'est, tu le fais, mais c'est pas intéressant à faire plus que ça, quoi. Oui, puis en même temps, vous remplissez 30 minutes avant que l'autre se prépare, puis qu'il monte sur scène. C'est ça, ouais. Puis ce qu'ils veulent, c'est que tu finisses au plus sacrant pour entendre la tête d'affiche. C'est pas plus, oui, c'est pas plus intéressant qu'un petit bar. Non. En fais-tu beaucoup, toi, les premières parties là? Non, très peu. Êtes-vous sélectif ou vous prenez ce qui passe parce que faut quand même mettre le beurre sur son pain? Je suis sélectif, comme je disais, je vais pas forcément accepter les restaurants, les trucs comme ça, mais... Bon, après, moi, j'ai pas de potes, je m'occupe de moi toute seule, donc déjà, j'ai énormément de mal à me mettre à mon bureau et me dire « Allez, aujourd'hui, je cherche les lieux. » Ça, tu fais jamais ça, t'attends qu'on vienne te chercher? Non, je peux pas, je démarche quand même, hein, bien sûr. Après, des fois, je suis contente quand on vient me chercher, ça arrive. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien parce que t'as pas à faire de travail. C'est vrai que je devrais me bouger plus, mais bon, quand on est artiste, on n'a pas forcément partie du boulot de démarcher, c'est hyper chiant. Mais en fait, toi aussi, tu dois faire tes recherches toi-même. Tu dois frapper aux portes, tu dois... Ouais, bah bon. Avec du neuf, conservateur, réactionnaire. Faut plus d'homo, plus de lesbiennes. Des petites familles, toutes bien comme il faut. Les temps modernes sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, y'a des mondes super chouettes. Y'a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Y'a Lulu qui nous montre son cul à Roger, le vieux coco. Des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Y'a des flics alcooliques, sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. Y'a des putains, y'a des catins, y'a des paumés, y'a des drogués dans le caniveau, y'a du crottin, y'a des pavés. On fait du vieux avec du neuf, des petits capots tout bien sapés. Faut plus de couleurs, plus d'immigrés, des petits fachos, des cérébrés. Les temps modernes sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, Il y a des mondes super chouettes, il y a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Il y a Lulu qui nous remontre son cul, à Roger, le vieux coco, des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Il y a des flics alcooliques sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. Il y a des putains, il y a des catins, il y a des paumés, il y a des drogués dans le caniveau, il y a du crottin, il y a des pavés. Et il y a des bruits toute la nuit, et il y a du bruit toute la journée. Et il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit, et que le bruit, car le bruit, c'est la vie. Et du vieux, avec du neuf, des bien-pensants, tout bien gluants. Faut plus de clodo, plus de gros mots, des petites familles de bénitiers. Les temps modernes sont à l'envers, vieux frère. Ben dans un coin de ma tête, il y a des mondes super chouettes, il y a des lendemains qui chantent, des gars à poil qui font la fête. Il y a Lulu qui nous remontre son cul, à Roger, le vieux coco, des bistrots où l'on fait de la musique, des marmots qui poussent en liberté. Il y a des flics alcooliques, sympathiques et sans éthique, des gendarmes qui rendent les armes. Il y a des putains, il y a des catins, il y a des paumés, il y a des drogués dans le caniveau, il y a du crottin, il y a des pavés. Il y a pas de riche, il y a pas de pauvre, il y a pas de trailer, il y a pas de rancœur. Dès que des copains qui se font de la poire, il y a pas une once de désespoir, il y a que du bonheur au fond des cœurs, il y a que des humains tout en couleur. Il y a du bruit toute la nuit, il y a du bruit toute la journée. Il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit, quel bruit, car le bruit, c'est la vie. Hey, la, la, la, la, la, la, la, la. C'est beaucoup par le réseau, quoi, parce qu'on a, voilà, c'est une histoire de réseau quand même. Donc, Oui, après plus on joue, plus tu trouves d'endroits, plus ça fait ça, l'arborescence commence, quoi. Ouais, mais en plus si vous voulez avoir, parce qu'en France c'est autrement que chez nous, c'est-à-dire que si ça fonctionne moins bien, si vous voulez avoir un montant du gouvernement, il faut faire des spectacles. Si vous en faites pas, ben, vous êtes pas. Oui, il faut jouer. C'est ça, exactement. Et puis, est-ce que c'est de plus en plus difficile de faire du temps, histoire de recevoir des dividendes, si y a des semaines ou des mois qui fonctionnent moins bien? Est-ce que c'est plus... Oh, t'as toujours des mois qui fonctionnent un peu moins bien, mais enfin, c'est surtout des mois qui fonctionnent mieux. Ouais. Mais globalement, tu joues tous les mois. Ouais, moi, je joue tous les... Il faut jouer tous les mois. Vous faites comme... Oui. J'allais te dire ça, quand on tournait à 3 ou 4, chez nous, on faisait entre 100 et 150 concerts, tu vois. Donc, tu joues tout le temps, quoi. Tous les mois, tu joues ben, juin, juillet, tu vois. Moi, juin, j'avais 17 dates. Là, vous en faites moins, là? Ben, depuis après le Covid, ouais. Parce que t'es sûr de rien. Mais là, en juillet, est-ce que vous faites des spectacles? Est-ce que vous... Ah ouais, moi, je repars après-demain, là, je joue, ouais. Je crois que j'ai 15 dates. Entre... Ah, c'est bon? 15 dates, un truc comme ça. Ah, t'es fort, hein, Et toi, non? Moi, j'en ai pas 15. Hein. Je sais pas combien j'en ai en juillet, je dois en avoir peut-être 7. Ok. Mais pour le moment, ça peut se greffer aussi, il n'y a rien. Ouais. Après, c'est pour avoir les bons plans, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance, quoi. Ok, si tu les as pas là, il n'y a pas de... Okay. Très peu de chance que... Bon, sinon, aussi, il y a des lieux qui se réveillent au dernier moment, mais bon, on verra bien. Ouais. Et il faut vivre d'espérance aussi quand on est dans ce milieu-là. Il faut croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, il faut toujours y croire. Hein. C'est clair qu'il faut, faut être costaud mentalement pour continuer... C'est ça qui est peut-être plus difficile, de s'automotiver. S'automotiver, parce qu'on va s'organiser tout seul, on n'a pas d'impératif. En fait, on en a, mais ouais. Il n'y a personne pour nous dire aujourd'hui tu dois faire ça. Mais c'est ça la liberté. Vous êtes votre propre entreprise. On est notre propre entreprise, tout à fait, c'est ça. Donc c'est pas si facile, mais en même temps c'est gratifiant, parce que vous faites ce que vous voulez. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça le prêt payé peut-être aussi un peu. C'est ça, c'est la liberté. Oui, exactement. Mais la chanson, est-ce que depuis le début, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elle a évolué? Ou si c'est le même style que vous tentez de refaire ou de répéter? Est-ce qu'il y a vraiment une... Ben toi, c'est l'énergie. Oui, non, mais même ça évolue, si tu veux, dans la diffusion, oui, ça a évolué. Okay. Tu vois, ça s'est refermé, maintenant c'est tout polissé, il faut que ça soit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bien léché. Ça vient vraiment de la nouvelle mode de diffusion, tu vois. Où les prods, ils jouent plus vraiment leur rôle, tu vois, de découvreurs, ils vont plus au concert, tu vois, ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet, ils voient les trucs, et il faut que ça soit tout polissé. Je veux dire, quand tu regardes même des diffusions télé d'il y a 30 ans, où tu voyais la Mano Negra à la télé, tu vois, même des mecs comme Ferré et Brel, tu vois, ils étaient hyper médiatiques, quoi. Aujourd'hui, même des grands de la chanson française, ils restent dans un circuit qui n'est pas grand public, tu vois. Même des mecs comme Le Presse qui est mort, si tu veux. Oh, c'est fou. C'était quand même une star, mais le grand public ne connaît pas. Parce que c'est cinglé. Hein. Dès que t'es, moi, souvent, des programmateurs ils me disent « Ah bah non, c'est trop engagé, nous, on a un public familial. » Et moi, je leur dis « Mais pensez que j'ai pas de famille, monsieur. » Elle est pas mal, celle-là. Non, mais tu vois, ah, ouais. Il y a une espèce d'autocensure... dans les modes de diffusion, quoi, parce que de toute façon, les prods, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils ouvrent leur catalogue, donc ils s'en foutent, ah ouais. Quoi, tu vois. C'est les gros qui rentrent des droits d'auteur et pour à la ligne, quoi, tu vois. Donc, ah ouais. Elle est belle, la tzigane, du haut de ses 20 ans. Le printemps. Merci. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.